Réponse à ceux qui argumentent avec l'histoire de Yusuf alayhi salam afin d'accéder aux assemblées législatives. Dans le cas où l'on accepte que le roi était mécréant, on peut répondre à cela par, en premier lieu, leur argumentation est de raisonner par analogie. Le raisonnement par analogie est le fruit d'un effort personnel. En islam, il ne peut pas y avoir d'effort personnel en la présence de textes. Ibn Qayyim a dit dans son livre « As-Sawa'iq al-Mursala » Ibn Qayyim a dit dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, page 153, lorsque le raisonnement par analogie confronte l'argument et se met en face de lui, il devient un raisonnement par analogie vain, qu'on appelle raisonnement par analogie diabolique, car il implique une contradiction entre la vérité et le faux. C'est pour cela que sa punition et que la raison d'une telle personne, ainsi que sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sont souillées. Il n'y a personne qui contredise la révélation avec sa raison, sans qu'Allah ne le lui altère au point qu'il dira des choses que feront rire les doués d'intelligence. Fin de sa parole. En second lieu, le raisonnement par analogie comporte des conditions. Parmi celles-ci, il ne doit pas y avoir de différence entre les fondements et les branches, afin qu'elles soient acceptables. Sans cela, le raisonnement par analogie est altéré, et nous appelons cela raisonnement par analogie avec différence. Parmi ces différences, il y a qualité de l'assemblée. Le rôle de Yusuf alayhi salam n'a pas contredit sa nature humaine. Il a respecté son statut de prophète et d'être humain sans transgression. Et la preuve de ceci est la parole d'Allah. Le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui parlait, il dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Sourate 2, verset 54. Quant aux membres du Parlement, ce sont des seigneurs et des législateurs avec Allah, car on leur a attribué le droit de légiférer dans l'absolu, sans qu'ils ne le désavouent ni ne le délaissent, alors que cela ne revient qu'à Allah. Et la preuve de ceci, le point de la Constitution qui dit le pouvoir législatif est investi par l'émir et l'Assemblée nationale en accord avec la Constitution. Et de même le point qui dit « La démocratie est le régime de l'État, la souveraineté est du ressort de la nation qui est la source de tous les pouvoirs. » La deuxième différence, gouverner avec la législation d'Allah. Yusuf alayhi salam jugeait parce qu'Allah a révélé. Allah a dit « Car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'ait voulu. » Sourate 12. Verset 76. Les savants du Tafsir ont dit « Yusuf alayhi salam ne pouvait pas prendre son frère en échange de la soi-disante marchandise volée, selon la loi du roi d'Égypte. Mais ce fut la loi d'Allah révélée à Yaqub alayhi salam qui lui permit de le prendre, car cette loi donna le droit à celui qui a été volé de s'attribuer ou d'avoir le voleur comme esclave pour une durée d'une année. » Quant aux membres du Parlement, ils jugent avec autre que ce qu'Allah a révélé. Ils ouvrent la porte à la mécréance à Allah et la possibilité de choisir ou pas la loi d'Allah. Et la preuve de ceci, l'article constitutionnel qui dit « Pour que toute réunion d'une assemblée soit valable, plus de la moitié des membres doit être présente. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue par le vote des membres présents. » Il en est ainsi pour l'article qui dit « Un membre de l'assemblée a le droit de lancer un projet de loi. Aucun projet de loi proposé par un membre et rejeté par l'Assemblée ne peut être reproposé pendant la même session. » L'article 110 stipule que « un membre de l'Assemblée nationale est libre d'exprimer tout point de vue ou opinion dans l'Assemblée ou dans ses commissions. En aucun cas, il ne peut être tenu responsable à cet égard. » La troisième différence, le désaveu. Yusuf alayhi salam a désavoué leurs idoles et toutes choses adorées. Et la preuve de ceci est la parole d'Allah. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui duquel Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 2, verset 38-40. Quant aux membres du Parlement, ils ont juré sur le respect de leur idole, leur objet d'adoration, leur tawarit et leur constitution. Et la preuve de ceci est l'article suivant qui dit « Avant d'assumer ses fonctions dans l'Assemblée ou dans ses commissions, Un membre de l'Assemblée nationale doit faire le serment suivant devant l'Assemblée dans une séance publique. Je jure par Allah Tout-Puissant d'être sincère envers le pays et l'émir, de respecter la Constitution ainsi que les lois de l'État, de défendre les libertés, intérêts et propriétés du peuple et d'assurer mes responsabilités en toute honnêteté et fidélité. La quatrième différence, le moyen d'accès à ce poste. Yusuf alayhi salam accéda à ce poste par miracle. Et la preuve de cela, les versets suivants. « Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mangent sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela 1 année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Sourate 12, versets 46-49. Et Allah a dit après cela, et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. » Sourate 12, versets 54-56. Quant aux membres du Parlement, le moyen d'accéder au poste est le vote entre les partis et groupes, et c'est un moyen anti-islamique qui présente beaucoup d'interdits religieux. Et la preuve de ceci est l'article qui suit. L'Assemblée nationale est composée de 50 membres, élus par suffrage universel, direct et scrutin secret, en accord avec la disposition prescrite par la loi électorale. La cinquième différence, les missions de décision. Le pouvoir de décision revenait à Yusuf alayhi salam seul dans la position qu'il tenait. Et la preuve de ceci est la parole d'Allah. Et le roi dit, « Amène-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Quant aux membres du Parlement, la décision appartient à 50 cerveaux et 50 courants. Et la preuve de ceci est l'article. Pour que la délibération d'une assemblée soit valable, plus de la moitié des membres doit être présente. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue par le vote des membres présents. Sache, mon frère musulman, que s'il venait à n'y avoir qu'une seule parmi ces 5 différences, cela suffirait à rendre cette analogie vaine. Que dire de la présence de 50 différences? Il va sans dire que l'analogie est vaine.